Belle découverte, 18h-18h30. Bonjour à tous, on est ensemble de 18h à 18h30 pour La Belle Découverte et on va parler ensemble ce soir de Maniacs, ces trois protagonistes qui font partie de Maniacs, et on va parler ensemble de l'album Stuck in the Beat sur le label Medside et on va discuter ensemble de leur production qui est extraordinaire. Et pour parler de ces trois gaillards, on a la chance d'avoir Gauthier qui nous a préparé une petite biographie aux petits oignons. Oh, une toute petite. La formule de Maniacs est maintenant bien ancienne et imparable. Free that the number magic, un producteur, un chanteur et un DJ. Les Maniacs appliquent la règle d'or du hip-hop, mais c'est pour mieux dynamiter les frontières du genre avec audace et bonne humeur. Le groupe se forme en 2003 à Cannes sous l'impulsion de Steph, connu plutôt sous le nom de Flic Flac, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Flic Flac, c'est une montre. Pour moi, je pense que si à 5 ans t'as pas une Flic Flac, t'as raté ta vie. C'est un peu ça. Bon, Clem qui est non seulement une voix pour Maniacs, mais aussi une pièce déjà essentielle. Un moteur qui tourne vraiment directement à plein régime. Son arrivée et son application immédiate dans le son du groupe ont relancé la machine à mélange et redessiné l'identité de Maniacs. Et bref, les deux autres compères rejoints très rapidement par Fred, qui était déjà à la base, alias Duff. Hein. J'ai envie de parler de Duff, moi, parce que c'est un nom qui me fait vachement marrer. T'es sûr que j'ai l'impression que c'est au niveau de la chouille, un rapport à la bière Duff de chez Homer Simpson, ou alors c'est simplement le verlan de Defray. Fred Defray. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est vrai que c'est un groupe qui est très influencé, comme on le disait, par la musique 8 bits. Et du coup, cette petite référence aux Simpsons, ça reste quand même la grosso modo la même culture, donc il faudrait lui demander. Mais au lieu de lui poser la question, parce que moi je préfère encore quand il chante, on va s'écouter un petit morceau justement de Maniacs. Et celui-ci, il est pas sorti du dernier album, non, au contraire, c'est l'un des tout premiers morceaux de Maniacs qu'on écoute tout de suite avec Video Games. Et d'ailleurs, il y a un featuring avec Poupette Mastaz, on en parlera juste après. Amphibians gather around. Green skin alligator, huge stickers get sound. Bombastic slime fader, so please press boost. Collect them strawberries, cause figures got bruised. When you get plays on the round, one for the pad and two for the zone. Cause I'm sick of high tech pleasure. All day, every day, I got the ends on my treasure. No go, no cyber for the game case. Just a big black box, won't make the city plays with this. You can defy me, be the best of me and hit NYC. Fight, punch, Blazy KO, hey B1, if you get the show. Keep the paddle for the race is gone. I put the revenge on it for speed on the ground. Why? It's the Vicus War, beat by DJ Honey Brock. Mine will be flame, but you won't cash. Mark on side, he had my cash. Kids act like rats when they can't get their package. I'm a brand new super fragatronic puppet action. Wizard got them split into factions. Some practicing black magic, other shit you're rapping. But they know that their mothers will buy them whatever they need when they start making chasm. So we have them by the balls, and that's why humans is taking our calls. I blast, it blows, it seems to last for who knows. I gotta confess I'm addicted, continue through all of it quickly. My video games, I can play it all the day. Also plays on holidays, my G's be sent to play. I can play it all. yes, I'm addicted. Can do through all of it quickly. It's just so bad with endless days with these guys and them guys and that guys and these guys and those guys. Wait, I'm still alive. Hold on, hold on. Give me that thing. Give me that. La belle découverte, 18h-18h30. Pour ceux qui sont amoureux de la Super Nintendo, de la Nintendo à la première base, même de la Sega, on retrouve vachement ces impressions de son, de sonorité, un petit peu des sons MIDI comme il y avait à la base. Et ces sons 8 bits là, moi je trouve ça super cool quoi. Et on en revient comme d'habitude à Puppet Masters, tu vois. Tu voulais y revenir. Mais on y revient. Parce qu'il y a qu'un seul groupe au monde qui est capable de faire du rap, du hip hop, mais d'y incorporer un chant de marionnette. Quoi. C'est un truc de dingue quand même. Les Puppet Masters, c'est un truc de fou. Les artistes qui sont derrière Puppet Masters, ça doit être un travail monstrueux sur scène. Ça leur arrive de mettre plus de 5 ou 6 marionnettes en même temps sur scène, alors que les types sont pas nombreux. D'ailleurs, j'ai une petite question à te poser, Gauthier, par rapport au fait que tu parlais que les influences de Flic Flac était notamment lié au cartoon. Est-ce que tu penses que le nom Maniacs, ça fait moi ça me fait penser à Animaniacs, tu te rappelles quand on était plus jeune? Ça s'appelait Animaniacs. C'est ça. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Est-ce que effectivement ce nom de groupe est lié à ça ou pas? Écoute, bien sûr, je peux t'en dire plus parce que j'en ai pas la moindre idée. D'accord, il faudrait aussi leur poser la question. On devrait les inviter dans l'émission quand même. On devrait les inviter dans l'émission. Ce serait pas si mal à mon avis. Bon, allez, on a assez discuté justement de Maniac pour pouvoir écouter une chanson de leur dernier album. Et on va s'écouter en l'occurrence la chanson Gentleman Bat. Good boys are for every day and night. I ask myself, why do I live on the dark side? I broke the rules. First time one, I took 8 shots. Alcoholic, me, don't call me that. I transform myself, a new style after me. Now nobody can stop me, even if I'm running like a bomb. Want a piece of me? Come and get some. Fuck you, baby. So what you think about my bad suit? Porter is my hobby, like a tree with the roots. You can see in me both evil and good. To me, I'm a shining star. To you, I'm a fool. I'm a bad man. I'm more cool than a bad man. Don't test me. I could put you in a tree. High level, higher than beer. Jack Daniels. In this interest, I swear I'm a bad man. I'm more cool than a bad man. Don't test me. I could put you in a trap, man. Bad manners. Acting like a fool at the dark frame. Or when I'm falling off the stool. Hey, like I always say. You can be cool, mom, and still you carry it away. My fancy dress helps me to transgress the rules of my city and not to get caught, yes. Hidden behind clothes is like hidden behind the sun. You could never know the truth, it's only reflection. You know this, baby, when I met you yesterday. Like Bruce Wayne in Gotham City. Dedicated to the end of the night. So all the wings burning or flashing in the sky. I always say I'll never be like you. Jack Donnelly is my Robin. And he can show you. I'm a bad man. I'm more cooler than a bad man. Don't test me. I could put you in a trap, man. High level, higher than beer. Jack Daniels in this dress. I swear I'm a bad man. I'm more cooler than a bad man. I could put you in a trap, man. Bad manners. Acting like a fool at the dark frame. Or when I'm falling off the stool. To all the bad man in the world. Yeah. One piece of me. Come get some. One piece of me. Yeah. Run it. I'm a bad man. I'm more cooler than a bad man. Don't test me. I could put you in a trap, man. High level, higher than beer. Jack Daniels in this dress. I swear I'm a bad man. I'm more cooler than a bad man. Don't test me. I could put you in a trap, man. Bad manners. Falling off the stool. Nous sommes de retour dans La Belle Découverte et nous venons d'écouter la chanson Gentleman Bad issue de l'album Stuck in the Beat de Maniacs. Alors on a réussi à choper sur internet un reportage de Maniacs super sympa où on comprend bien quel est l'état d'esprit de l'équipe. A noter simplement que dans ce reportage c'était encore Ben le chanteur et non pas Clem le chanteur de Leido qui est présent pour ce nouvel album. Rob it the way you're thinking. The group is just to open your mind. You're just for restarting. Someone doesn't understand why I get the flow is a song. How much MCs help when they went back home? Cause Maniacs, c'est le reflet de notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'on kiffe les jeux vidéo. Le flic, il a plein de consoles. J'ai des consoles. Duff, pareil. Notre musique, ça ressemble à ce qu'on vit, quoi. À ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire des jeunes, un peu fada dans leur tête parce qu'on aime bien délirer, faire les cons, rigoler. Et puis un petit peu aussi, comment on dirait, nerd. C'est-à-dire dans le sens où toujours. Dans le délire un peu à côté de la plaque, on va dire, quoi. Nous, on aime bien ça, quoi. Là, vous avez Crazy Master Duff avec notre flicou national. Et moi, ben moi c'est Ben, donc en fait je suis le chanteur attitré de Maniac, c'est-à-dire que moi je fais que ça. En fait Flic et moi on s'est rencontrés tous les deux au début parce qu'on faisait partie de groupes de rock. On s'est rendu compte qu'on avait le même goût pour le hip-hop, pour cette musique un peu électronique et tout ça. Donc on s'est dit ben, pourquoi pas essayer de faire un premier album. Et en fait, donc Duff est venu, il a posé 2-3 scratchs, donc tout de suite on a super bien accroché parce qu'il avait tout de suite un peu les sons qui allaient, les petits scratchs qui passaient bien et tout. Je sais pas, on s'est trouvé, on n'était pas forcément destiné au départ peut-être à faire on pensait pas faire de la musique tous ensemble, et depuis là, ça fait 3 ans, Maniac ça tourne, on a des projets, on a un deuxième album qui arrive, les gens, enfin sur scène on s'éclate, on rigole, les gens apprécient notre musique, apprécient nous voir en live. Et... On apprécie tout ce délire, assez cartoon, video games, tout ça. Tout le live, on essaye de le baser sur ça, quoi. Donc avec des décors, on a une grosse manette géante. On essaye de faire participer le public. Bah, comme on est, on le retranscrit, en fait. Hein. C'est vraiment comme on est nous, c'est pas du fake. Hein. On est vraiment ce qu'on est. Et on le met dans Maniacs. Donc vraiment, Maniacs, que ça sort, ce que les gens vont écouter ou ont déjà écouté. C'est ce qu'on est dans la vie. Hein. On adore délirer, on se prend pas au sérieux du tout, quoi. Et donc c'est ça qui fait qu'on peut passer d'un son hip-hop à un son rock'n'roll, à un son carrément festif. Enfin, on adore mélanger les trucs. Hé, hey, regarde ça! Te plaît ça, hein? T'es pas mauvais, hein? Franchement, ouais. Il est. Après, pour la créativité, c'est vraiment vaste. Hein. Ça peut partir d'un riff de guitare, après que je vais agrémenter avec des mélodies au synthétiseur. Je m'enferme pas dans un style précis de composition, quoi. Ça peut partir d'un sample, une petite mélodie que j'ai pris dans un jeu vidéo. Je vais rajouter des mélodies dedans. C'est assez vaste en fait. Hein. Thank you. Bah, la rencontre avec Puppet, ça s'est fait tout bêtement, on va dire. C'est-à-dire, bah, on a joué avec eux sur un live. On a fait leur première partie. On s'est retrouvés dans les loges avec eux. On a commencé à discuter. De fil en aiguille, bah, on s'est proposé de bosser ensemble. Yo, yo, yo, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, the Maniacs! You think the bigger the better, but we got... En fait, le spectacle, c'est le thème, c'est une pièce de théâtre comédie musicale. La West Side Story à la hip-hop, mais à notre sauce, c'est-à-dire la sauce un peu vidéo games, un peu farfelu, quoi. Puppet Masters Maniacs! Nous revoilà dans La Belle Découverte. Alors, comme vous l'avez pu le comprendre, c'est un reportage qui a été réalisé en 2007. Donc, CKLM alias Clem, l'ancien chanteur de Leido, qui est maintenant le chanteur attitré de Maniacs, n'était pas encore présent. Vous aurez aussi remarqué peut-être l'évolution du son. Là, on était vraiment sur la construction de base de Maniacs avec vraiment ce qu'on appelle ces sons 8 bits, ces sons de jeux vidéo. On va s'écouter un petit morceau issu du dernier album pour bien faire la différence avec tout ça. La chanson en question s'appelle Circle. Elle est en featuring avec Dilem. Et on s'écoute ça tout de suite sur Fadjet. Check it out, and no taxi didn't steer. We need to paint to explain the change. Formally to do was pray. I whip up on the walls, leave us tame. Only way to make a name. Now you got my number, and I'm waiting for your call. Oh, tell me why can't it be the way you want on this ride? The future is ours, I wanna make Let's it right just now. Let's just believe it. If you don't know me, come join the circle, you reach me. Come on, our pain, our artillery. Weather becomes cloudy. Rewriting on the wall, on the tree, through the city years. They forbid, they prohibit. We don't care about politics. A lifestyle preserve, we're gonna. Mentalities have changed, artists everywhere. Belle découverte, 18h-18h30. Rebienvenue sur La Belle Découverte, et c'est marrant qu'on parle de ça parce que ce groupe Maniacs en 2005 a participé au Printemps de Bourges. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est que le Printemps de Bourges, qui est un festival qui se déroule à Bourges en avril de chaque année, propose les Inouïs. Les Inouïs, c'est quoi? C'est un espèce de tremplin qui a lieu dans toutes les régions de France, et ça permet d'accéder d'une part à des scènes régionales qui sont plutôt belles, et ensuite, après la finale, de pouvoir jouer sur les scènes du Printemps de Bourges. Et c'est vrai que Maniacs a été la découverte Provençale-Côte d'Azur. En 2005, pour être très exact. En 2005, exactement, et ça leur a ouvert beaucoup de portes. Je pense notamment à des festivals comme le Garo Rock. Ils ont quand même fait très très belle première partie, ils ont joué avec des groupes comme Zwinkels qui est quand même une référence hip-hop en France. Zwinkels avec Gérard Bass qui est quand même un extraordinaire, un personnage que on pourrait faire en BD, en film, en quoi que ce soit, on n'arriverait pas à le rendre aussi fou qu'il est en vrai. C'est un petit peu le Gérard Depardieu du punk français. C'est un peu ça, ouais. C'est pas vrai. Parce qu'il s'appelle Gérard que tu peux te permettre de dire ça. Non, parce mais que moi Gérard Depardieu, je suis un grand fan. Alors fais attention à ce que tu dis. Bon d'accord, je ne le dirai plus. Mais tout ça pour dire que Gérard Bast a été l'une des icônes du punk français. Et il s'est vachement mêlé au hip-hop. Et ça m'étonne pas qu'on fasse ce rapprochement avec Maniacs. C'est marrant que tu parles de punk. Parce que c'est vrai que Gérard Bast n'a jamais vraiment été dans le punk, dans la musique. Mais c'était une personne qui avait l'esprit énormément punk. Et qui l'a toujours. Il a joué au début du mois d'octobre à la release d'un groupe de Strasbourg qui s'appelle GHB. Où maintenant il propose en fait un DJ set. Et le type s'est retrouvé en culotte, quoi. Slip kangourou. Ah, d'accord, bah ça c'est dit. Bravo voilà. Gérard. Bravo Gérard. Pour en revenir à Maniac, c'est vrai que au-delà de ça, ça reste des artistes qui peuvent être aimés d'un public qui est extérieur au leur, tu vois. Je pense par exemple à leur première partie avec Lofofora ou encore Parabellum qui sont grosses pointures du rock et du métal en France. Et du punk. Bon allez, tout de suite on s'écoute The Hills, un morceau tiré de l'album Stuck in the Beat, le dernier album de Maniac. Oh, let's spend some time. How would you meet me now? It's better together. We're gonna talk together like Mighty Mouse, like Indiana Jones on the walkabout. Systems believe, suggest grab a t-shirt. It's time to leave. I saw my cowboy first aid kit. I'm ready to go. Now come in style, you know. Don't be afraid to leave the nice TV. Colors outside are better than your screen. How long since you closed the mountains? Have you ever even seen for real, for real? Try stepping outside for something beside another video game. Oh, now we need natural vibes, natural things. We get them outside. This ain't virtual, we're going worldwide. Turn off your phone and follow me for a ride. Don't wanna be alone. I wanna spend some time. How would you meet me now? It's better together, isn't it? Gotta be alone. Okay, let's spend some time. How would you meet me now? Okay, it's better together, better together. Feel alone but strong, breaking through the unknown. Doing together, it's always better when we're outside doing whatever. I live behind your material life, material things, material strife. Find a way I don't mind, get you out from behind. Your material vice, walk up to the real spice. Natural vibes, natural things, we get them outside. This ain't virtual, we're going worldwide. Turn off your phone and follow me for a ride. Wanna be alone, I wanna spend some time. How would you meet me now? It's better together, isn't it? No one oughta be alone. Oh, let's spend some time. How would you meet me now? It's better together, better together. No one oughta be alone, I wanna spend some time. How would you meet me now? It's better together, isn't it? No one oughta be. Let's spend some time. How would you meet me now? It's better together, better together. La belle découverte, 18h-18h30. Et on vient de s'écouter la chanson de Maniacs qui s'appelle The Hills. Alors j'ai envie de vous dire, les gars, c'est une chanson qui est quand même vachement connotée pop. Electro-pop. Ouais, parce que toi tu nous parlais des Naive New Beaters, c'est un peu ça. Ouais, exactement, mais ça me fait trop penser à leur zik Another Day. Ce trio français qui a commencé l'électro, je sais pas il y a combien de temps, ça devait être en 2007, je crois qu'ils ont. Ça me rappelle des groupes comme General Electric aussi qui étaient super talentueux et dont on n'entend plus parler malheureusement à cette heure-ci, quoi. Tu nous parlais d'un rapport avec Eminem, j'ai pas compris où est-ce que tu as ressenti du Eminem. Alors écoute, c'est plutôt dans les sonorités un petit peu pop électro, dans ce que fait de nouveau Eminem, je sais pas, j'ai ressenti un petit peu ça. D'accord, t'es agressif comme Maniacs a su l'être sur une certaine période de leur carrière. Non, mais c'est vrai que sur leur première chanson, ils étaient tout de suite agressifs, c'était même un peu violent, c'était du rap qui tapait tout de suite les tympans. D'ailleurs, c'était super aigu dans leur façon de chanter, avec des sonorités 8 bits derrière, c'était tout de suite allumant, quoi. Ça piquait, quoi. C'est ça, oui. Alors que là, c'est tout de suite plus cool, plus facile à écouter. Voilà, c'est deux choix de production qui sont différents. L'ancien Maniacs, c'était quelque chose qui te tapait dans le bide. Le nouveau est plus modéré. On peut dire sûrement qu'ils ont un peu pris de bouteille, qu'ils sont un peu calmés. C'est peut-être l'âge, c'est peut-être le marché qui est aussi un peu évolué. C'est plein de choses comme ça qui font que... Justement, tu parles d'un nouveau Maniacs plus modéré. Est-ce que ça voudrait dire qu'il est plus grand public ? Ouais, je ferais écouter ça à ma mère, je pense que ça lui plairait. Maniacs, c'était pour moi vraiment le groupe fêtard, et là, c'est le groupe qui peut passer à d'autres aspirations. Mais c'est ce qui est intéressant avec les groupes indépendants, justement, c'est que selon leur EP, selon leur album, jusqu'au moment où ils vont un peu se développer, où ils vont taper un peu plus haut, on va pouvoir comparer et voir l'évolution du groupe, aussi bien mentalement qu'instrumentalement. Et là, on se rend compte que, voilà, 2003, on est en 2014, 11 ans sont passés. Il reste toujours ce chant à l'américaine, il reste ce beat quand même, qui est réellement la marque de fabrique du groupe. Par contre, les sonorités ont un peu changé. Elles se sont un peu plus calmées recentralisées, quoi. Recentralisées, voilà. De voir une évolution d'un groupe comme ça, c'est bien, quoi. Il faut tout écouter. Après... Je suis plus de l'ancienne école pour t'avouer, tu vois. Ok, et bah justement, on va en profiter pour s'écouter la dernière chanson de ce label découverte sur Maniacs qui s'appelle Vision. Yo, I walked alone somehow. I knew I was starting to move. My only goal was to become as free as I could. I'm from some places in the street. Sometimes I get high. Difference who you mean me, but I was looking for a sign. And when we talk about the world, I begin to change. And this thing to choose to be me between freedom and being a slave. So when my little sister makes fun of my long hair, all I can say to her is, here is my home. Sometimes south, sometimes north. This is my life. This is my life, my life. All the melodies I know from all the places that I go. This is my life. This is my life, my life. Regret, you have not tried. Everything you think I'm dummy, I think you're daft. My brother think I'm a nerd, but he mocks me love. Our visions are different, but it doesn't matter. Now I drink on mountain tops, I get high. And I love to talk to the trees, I'm gonna tell you why. Cause reminds me of my father, my family, the nature. The first thing he taught me was to be us. My disease are spoiled, my PC is no more. Ow, give me an iPhone and I drop it on the floor. Better than before, my home is wherever. My bed in the jungle, but I love it forever. Here is my home. Sometimes south, sometimes north. This is my life. This is my life, my life. All the melodies I know from all the places that I go. This is my life. This is my life, my life. Et c'est maintenant la fin de ce label découverte. Sachez que vous pourrez nous retrouver la semaine prochaine puisqu'il y a une rediffusion de cette émission sur l'album de Maniacs qui s'appelle Stuck in the Beat. Et puis sachez que vous pourrez retrouver Aurélie dans Sous toutes les cultures. Nous on se retrouve en l'occasion à 19h30 pour le menu étudiant. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée sur les ondes de Fadjet. À très bientôt.